tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mesdames et messieurs, une autre belle semaine de jeux qui vient de se passer et nous sommes au rendez-vous pour vous parler de plein de choses ludiques, de choses geeks. Et on vous remercie d'être là chaque semaine pour nous écouter. Avec moi, Monsieur Andrew Castegan. Bonjour. Et Andrew, cette semaine, de quoi tu vas nous parler? Ben en fait, je vais vous parler de deux choses. Max Payne 3, jeu de Rockstar sorti voilà quelques semaines sur toutes nos plateformes préférées, et des restants de E3. Oh, excellent. Et moi, pour ma part, Michael Michaud, votre humble serviteur, animateur de l'émission, je vais vous parler de deux expositions que j'ai vues quand même assez récemment. L'exposition Samouraï au Musée de la Civilisation, ici à Québec, et l'exposition Star Wars Identité au Centre des Sciences de Montréal. Et encore une fois, une émission très chargée. On va continuer cette semaine notre spécial Brental Floss la semaine dernière, encore avec des chansons de son nouvel album. Et on vous rappelle en même temps que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos anciennes émissions, des podcasts qu'on a fait, des petites chroniques, des nouvelles et plein d'autres choses. Et même nos courriels, si vous voulez nous rejoindre pour nous donner des suggestions, vous pouvez faire ça aussi sur le Facebook de Puissance Maximale. Donc, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous retrouver. On attend vos suggestions, vos commentaires, vos félicitations en notre égard. Vos invitations aussi. On est toujours prêt à aller prendre une petite consommation entre amis. Et oui, et on se déplace aussi Puissance Maximale dans les différents événements. Malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas pu se rendre aux journées ludiques pour des raisons de santé, dans mon cas. Je m'en excuse. Et moi, des raisons de boîte. Oui, Andrew déménageait. On s'excuse aux organisateurs. Nous serons là l'année dernière, mais on a entendu parler que c'était une très belle édition encore cette année. Nous y serons l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Garanti, je prévois pas déménager. Et on vous rappelle aussi qu'il y a un site pour CKIA, le CKIAFM.org, où vous pouvez aller acheter vos cartes de membres. C'est important d'aller faire ce geste-là, mesdames et messieurs, pour encourager la station, un micro libre à Québec, pour avoir de la musique différente et des émissions différentes, dont Puissance Maximale. Et on y va tout de suite en musique avec M. Brental Floss, comme on dit au début de l'émission, avec la chanson Castlevania 2 with Lyrics. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. And when I find your face, I'm gonna slip as back as big as back. I got your nose and I found your toes and your elbows and your tiny penis. Oh my god, it's so tiny. How'd you ever have sex with this thing? Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Dracula, I will attack you, bruh. You'll be spectacular when I set you on fire. Track appears every 100 years, but he'll cry bloody tears and wish he never was a vampire. I'll race all over the place, and when I find his face, I'll amass his balls of brass. And when I find his ass, I'm gonna kick it. I'll race all over the place, and when I find your face, hey, you track, I got you in a sack. You better watch your back, cause I'm a vampire killer. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale. D'ailleurs, toute l'équipe de Puissance Maximale voudrait remercier tout le monde de nous écouter et remercier CKIA en même temps de nous permettre de faire ça chaque semaine. Moi, personnellement, c'est un rêve de petit gars de faire de la radio. Et à chaque semaine, on peut le faire avec un de mes meilleurs amis, M. Andrew Castegan. Et on remercie tout le monde d'être là à chaque semaine. Je voulais le mentionner. Et on va commencer, Andrew, en force avec une franchise que tout le monde connaît bien, mais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un opus, Max Payne 3. Oui, en fait, le grand retour de Max Payne, un jeu à l'époque sur PC qui m'avait beaucoup marqué, parce que faut pas oublier, Max Payne a été quand même un des third-person shooters pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est caméra à l'arrière du personnage et qu'on peut tirer, qui a introduit un des éléments qu'on retrouve dans la majeure partie des jeux vidéo actuellement, qui est le bullet time. Qu'on voyait dans le film Matrix aussi, donc il y a un ralentissement là, quand on tire pour nous laisser le temps de bien viser, faire des scènes de fusillade spectaculaires. Exactement, et Max Payne a été un de... Ben, Rockstar, en fait, a été un des premiers à innover dans le domaine en créant leur propre engine pour le bullet time. Et il avait fait énormément sensation malgré l'intelligence artificielle qui était un peu boiteuse à l'époque. Ben, faut dire que ouais, c'est ça, à l'époque, la plupart des jeux de shooter comme ça, c'était pas si difficile, à moins de foncer dans le tas, là, mais... Ben, c'est ça. Fait que là, on tombe avec Max Payne 3, un jeu qui était en développement depuis très, très longtemps, mais que Rockstar avait mis de côté parce qu'il voulait attendre des meilleures technologies, un meilleur moteur graphique pour permettre de faire un jeu qui est, ma foi, très, très beau et très époustouflant, à mon avis. Là. Parce qu'on sait que Rockstar, habituellement, c'est pas les plus beaux jeux, c'est dans les très, très bons jeux, très complets, mais c'est jamais habituellement les plus beaux. Mais toi, Andrew, t'as joué sur quelle sur plateforme? PC. Sur PC, OK. Mais t'es, c'est un... Rockstar, généralement, il s'applique quand même très bien là, pour faire les portages sur les autres consoles. D'ailleurs, Max Payne a été développé avant toute chose sur console. Il est sorti en premier sur PS3 et Xbox 360. On le voit dans le contrôle, dans le fond, là, de Max Payne, que ça a été pensé avant toute chose pour une manette. Mais justement, pour pallier avec ça, quand Rockstar est arrivé pour le sortir sur PC, ils ont vraiment pris un peu plus de temps. Je pense que ça a été 2 semaines à peu près de délai avant la sortie sur version PC pour justement peaufiner le contrôle. C'est sûr, ça a été fait avant la sortie sur console, mais ils se sont gardés quand même un petit jeu pour leur permettre de peaufiner ça pour que les contrôles soient plus adaptés au clavier souris. Excellent. Donc Max Payne là pour se situer, on se retrouve quand là, dans la série Max Payne avec le 3, est-ce qu'on est vraiment longtemps après? C'est quand même plusieurs années, je me rappelle pas exactement le nombre d'années suite au deuxième, mais on se retrouve ben, en fait, je me rappelle pas, je veux pas dire un nombre en l'air, puis vous vous semez dans le doute, mais ça se passe vraiment plusieurs années après les événements du 2. Max Payne est blasé de la vie, si vous me permettez. Il y a plus de, il y a plus la flamme, dans le fond, pour son métier. C'est un alcoolo fini. Il se remet vraiment pas de la mort de sa femme, puis de sa fille, et des événements du 2. Parce qu'il faut savoir, dans le 2, Max Payne, il s'est retrouvé dans un complot un peu terroriste, malgré lui, à cause qu'il s'est fait manipuler par des gens en fonction de son passé. Fait que là, il est vraiment démoli. C'est plus le Max Payne de l'époque qui avait un esprit vengeur, tout ça, parce que sa vengeance a été faite. Là, présentement, il est en recherche de rédemption, dans le fond, dans Max Payne 3. Il essaye à se faire pardonner, il essaye de trouver une façon d'oublier, dans le fond, son passé et de vivre le moment présent. Et à un moment donné, il y a un moment dans le jeu où il y a un de ses anciens comparses de l'académie de police qui, lui, a quitté la police, a décidé de devenir garde du corps personnel, qui offre la possibilité, dans le fond, d'aller au Brésil et de devenir un garde du corps pour un riche magnat businessman, dans le fond, qu'il y a au Brésil. Et on vit, dans le fond, la quête de rédemption de Max Payne à travers, dans le fond, les événements, autant du passé et du présent, à travers le jeu. Donc, je vous dirais, il y a beaucoup de monologues, vous êtes pas obligé d'avoir joué au 1 ou au 2, ils font vraiment une bonne rétrospective, puis ils mettent vraiment le script est vraiment très bien fait là. Les gars de Rockstar, ça paraît qu'ils ont pris du temps à peaufiner le script et on comprend le personnage, les événements et sa réaction, puis en même temps c'est un peu une histoire où on est dans le présent, on évolue, on voit des événements du passé, pour vraiment construire le puzzle dans le fond qui mène à l'apogée de l'histoire. Pour parler du gameplay, est-ce que ça a beaucoup changé basiquement là, par rapport aux anciens titres? Est-ce qu'on reste quand même dans le traditionnel tir à la troisième personne ou on a quand même des additions intéressantes amenées par Rockstar dans cette nouvelle... En fait, quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres Max Payne, c'est le cover. Dans les autres Max Payne, il n'y avait aucune possibilité de se cacher, à part si vous étiez dans un coin d'un mur et que vous jouiez un peu avec la caméra, mais il n'y avait pas vraiment de système vraiment se cacher pour tirer à l'aveugle et des choses comme ça. Ça a été rajouté. Je vous dirais qu'il y a du monde qui est un peu réticent avec avec ça parce que là, il avait peur que le jeu prenne une tournure un peu trop à la Gears of War, là, tu sais, parce que du monde, les third-person shooters, il y a du monde qui aime bien ça avec les systèmes de cover, avancer lentement, pas vite. C'est plus tactique un peu que. C'est ça, que mais, tu sais, Max Payne, ça a été pendant longtemps un jeu bourrin, là, tu sais, le bullet time, ça avait été mis pour qu'on se sente vraiment awesome, puis tout ça, mais là, ils ont mis ça parce que, tu sais, on sent la fatigue de Max Payne dans le jeu, tu sais, le bullet time, il est là. Mais il est beaucoup moins efficace que dans le 1 et le 2. Là, on peut pas s'en tirer dans le jeu en faisant juste de ça parce qu'on va se faire ramasser. Le héros vieillit. C'est ça. Fait que en même temps, il prend du poids. Parce qu'à un moment donné dans le jeu, il change de tout au tout. Là, il est plus avec ses cheveux, tout ça, il se rase la tête, il est rendu avec une chemise hawaïenne, puis il a pris du poids parce que là, il voulait changer, essayer de tourner la page sur sa vie. Bref, c'est un moment mémorable du jeu. Je vais pas vous raconter qu'est-ce qui mène à ça. Là. Mais tout ça pour dire que t'es, on voit que Max Payne il est plus comme dans le 1 et le 2. Là. T'es, il a vieilli, il a plus la force de se battre comme avant. Puis t'es, c'est d'où pourquoi que là il faut utiliser vraiment le cover. Puis aussi en même temps, le jeu, les fusillades sont scriptées dans le style que t'es. Que mettons vous avez rejoué le jeu, vous allez avoir exactement les mêmes entrées pour les ennemis. T'es, si vous connaissez le jeu par cœur, vous allez savoir par où l'ennemi va rentrer, vous allez pouvoir vous placer. Ça, c'est une bémol que je trouve. Ça enlève un peu à la valeur de rejouabilité du jeu. Est-ce que ça embarque dans un peu ça devient que le jeu est trop linéaire à cause de ça? Ou? Ben oui puis non. C'est à cause que t'es quand on recommence plusieurs fois le tableau, maintenant on finit par comprendre le pattern des ennemis. Par contre, l'intelligence artificielle, une fois que l'ennemi est dans l'aire de jeu, s'adapte à notre gameplay. Fait que, c'est sûr qu'il va faire une variante, mais si on connaît vraiment tous les points d'entrée des ennemis, puis on se place en conséquence, ben on vient un peu tuer cette intelligence artificielle-là que Rockstar ont travaillé. C'est sûr que je trouve un peu une bémol, mais t'sais, si vous faites en tant que bon joueur qui voulait avoir une bonne expérience de jeu, si vous faites pas par exprès pour vous placer dans ces endroits-là pour vous donner le jeu facile, ben t'sais, l'intelligence artificielle va vous donner du fil à retordre parce qu'elle va s'adapter, elle va faire des tactiques, elle va vous lancer des grenades, puis elle va vraiment s'ajuster à votre façon de jouer. Il y a des scènes de jeu où vraiment j'ai recommencé plusieurs fois parce que justement l'ordinateur décortiquait comment que moi je jouais. Fait que ça, je vous dirais que c'est un gros plus à Max Payne 3, mais il y a une façon de décoder le tout puis annuler un peu cette façon-là. Fait que ça, comme je disais, je trouve que c'est une bémol un peu. Mais si vous n'utilisez pas cette faille-là, vous allez avoir quand même un bon défi là, au niveau du jeu. Est-ce que c'est un jeu qui rentre un peu dans la lignée réaliste là, des shooters, là, des jeux de tir? On peut traîner une arme et demie, là, un couteau puis un pistolet. Ben, en fait, on peut traîner deux petites armes. Qu'est-ce qu'on entend par petites armes? C'est pistolet et mini pistolet mitrailleur, genre Uzi. Et une grosse arme, dans le fond, comme un M16 ou un shotgun ou des choses comme ça. On peut traîner uniquement trois armes au total, si on calcule. Est-ce qu'il y a des armes de mêlée? Non, il n'y a pas d'armes de mêlée. Par contre, si on arrive à bout portant contre un ennemi, puis on appuie sur le clic pour tirer, on va enclencher une animation de mêlée contre le personnage. Donc, ça permet de sauver des balles un peu, mais plus ou moins, parce que de toute façon, dans l'animation, on finit par tirer sur le gars de toute façon. Mais t'sais, c'est plus beau à voir. Puis en même temps aussi, le bullet time n'est pas exploité uniquement pour les sauts comme on voyait dans Max Payne 1 et 2. Il y a vraiment des scènes de tir où le bullet time est sollicité. Dans le cas exemple, Max Payne, il arrive à une place où il y a 25 bonhommes, juste ça comme ça. Là. Et là, il regarde l'autour, il dit « Ok, la meilleure façon de m'en tirer de là, c'est que je vais me pogner après une chaîne, puis là, je vais tirer sur le moteur, puis ça va me lever, puis là, ça va tirer. » Fait que là, quand on fait ça, on tombe sur le bullet time. Et si on tue tout le monde dans le bullet time, on est tout plein hot, puis il y a une animation pour dire « Ah, oh, vous êtes tout plein hot. » Mais généralement, vous n'êtes pas capable. Parce que Max Payne, dans ce jeu-là, il évalue très mal, puis il y a des plans vraiment mauvais. Parce que généralement, quand il annonce ses plans, tout le monde le regarde, puis il dit « Tu sais que c'est vraiment un plan foireux? » Il dit « Ben justement, je réussis à vaincre mes ennemis parce que j'élabore toujours des plans foireux. » Fait que c'est le genre d'affaire de même. Là. Fait que, mais t'sais, on voit un petit humour. Je vous dirais, si vous voulez un bon third person shooter, c'est un jeu que vous devriez vraiment considérer. J'ai vraiment apprécié le jeu. Par contre, je vous avertis, le départ est un peu lent là, avant qu'on commence à tomber dans les grosses fusillades et tout ça. Fait que il faut avoir un peu de patience. Puis en même temps, ben j'ai pas eu l'occasion d'essayer le multijoueur malheureusement. Ouais, c'est ça, il y a un multijoueur là, dans cette version là qui va même être relié, je pense, au prochain Grand Theft Auto. On va pouvoir monter des équipes, on va pouvoir importer. En fait, c'est que il y a un principe dans Max Payne, en fait, c'est qu'on se retrouve un peu dans une guerre de clans. clan des dealers de drogue et d'autres affaires de même. Là. Je veux pas trop vous donner de détails parce que ça serait un spoiler énorme au niveau de l'histoire, mais bref, il y a un principe de guerre de clan au Brésil, puis dans le fond, le multijoueur, c'est vous jouez les clans, puis vous faites la guerre et vous avez des objectifs différents, vous avez le deathmatch. Et Max Payne a eu une critique moyenne de 9 sur 10 avec beaucoup de critiques, justement parce que le multijoueur est mémorable et que l'histoire est intéressante. Fait qu'on parle vraiment d'un gameplay intéressant au niveau du multijoueur, on parle d'un story mode quand même assez long, je vous dirais. C'est sûr, j'ai joué intensivement, je l'ai passé en 2 jours, je vous dirais, là, mettez pas 2 jours complets, là. Mettez, vous êtes pas un third person shooter, je vous dirais, vous pouvez avoir, si vous prenez votre temps pour tout avoir, au moins un bon 12 à 15 heures, si vous voulez vraiment avoir tous les éléments du solo. Et ça, c'est sans compter le temps de jeu que le multijoueur peut vous apporter, là. Donc, on parle quand même d'une bonne valeur et d'un bon jeu. Puis Rockstar, généralement, ils sortent beaucoup de DLC qui sont quand même à des prix abordables, puis ils sortent beaucoup de contenu en même temps avec les mises à jour. Fait que c'est quand même, à mon avis, c'est une valeur sûre si vous voulez avoir un bon jeu dans votre librairie. Puis j'ai vraiment apprécié là, mon expérience de jeu, autant sur PC que console, parce que j'ai eu l'occasion un peu d'essayer la version console, mais j'ai pas joué autant là, mais t'sais, le gameplay il se prend bien autant sur un ou l'autre. Excellent. Hey, mais merci beaucoup, Andrew Castegan, pour cette merveilleuse critique de Max Payne 3 que toi, tu as essayé sur PC. On va continuer en musique après cette très bonne critique avec The 2-2 Blues. Donc, quand on dit 2-2, c'est 2-2. Donc, tiré du deuxième tableau de Mario Bros. Donc, on en est dans l'eau, finalement. C'est ça, le tableau aquatique. Le tableau aquatique, et vous allez l'entendre de toute façon avec la mélodie. C'est vraiment un blues que Brent Alfloss nous offre. C'est une des très bonnes chansons de l'album, vous allez voir. Et vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Just a pipe dream, but wait and see. There's a prince for you, and it's a me. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et juste avant de parler d'exposition, il y a Andrew qui me parlait hors d'onde d'un petit truc justement par rapport à Max Payne, puis une belle façon de gérer les tricheurs. Vous savez que moi, j'en ai parlé souvent à l'émission, que je suis un tricheur dans certains des jeux, que seulement quand je joue en solo, parce que je trouve que tricher en ligne, en multijoueur... C'est pas bien, puis on empêche les gens d'avoir du plaisir à leur manière. Mais Andrew, tu nous as amené comment Rockstar va gérer les tricheurs avec Max Payne. Oui, ben en fait, c'est à cause depuis que le jeu est sorti, il y a eu des mods, des hacks, dans le fond, qui ont commencé à apparaître sur le jeu. Et Rockstar ont jamais vraiment été pour la méthode Punk Buster, t'sais, parce que voulez-vous, il y a du monde qui aime ça tricher en ligne, il y a du monde qui aime ça faire suivre le monde qui joue honnêtement, mais t'sais, il faut pas les empêcher non plus de jouer en ligne parce qu'ils ont payé leurs produits, eux autres aussi. Fait que t'sais, qu'est-ce que Rockstar ont décidé de faire, c'est qu'ils ont créé un serveur à part, vraiment à part, du serveur officiel de Max Payne, et tout le monde qui est pris en train de tricher avec un code, un hack ou un mode non officiel de Max Payne va être transféré dans le fond dans ce serveur-là qui va s'appeler le Cheaters Pool ou quelque chose comme ça. Et dans le fond, c'est que dans ce serveur-là, ça va être uniquement le monde qui cheat. Fait qu'en même temps, quand on joue contre quelqu'un qui cheat, ça nous fait un petit peu suer. Fait que tu sais, ça fait en sorte que les cheaters vont avoir un peu leur propre médecine en plein en face. Fait que t'sais, tout le monde va tricher dans le serveur. Fait que t'sais, ça va. Il y a du monde qui vont probablement arrêter d'apprécier le jeu en multijoueur. Mais Rockstar sont quand même gentils. Ils laissent une seconde chance. Fait qu'advenant le cas qu'il y a un tricheur qui est sur le serveur et qui fait « Ah non, j'aime pas ça. Je comprends maintenant. Je m'excuse, Rockstar. Je ne tricherai plus en ligne. » Ils vous transfèrent, dans le fond, dans le serveur de joueurs. Mais faut faire attention. Si on se refait prendre une deuxième fois, on est banni à vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune façon de revenir sur le serveur standard, à moins de vous acheter un nouveau jeu. Et voilà. Mais c'est une belle façon de gérer les tricheurs. Écoute, moi je trouve ça bien. Écoute, moi je triche jamais en ligne, mais j'assume le fait que si je me ferais pogner, j'accepterai les conséquences. Oui, puis l'autre chose aussi qu'on parlait, c'est que Rockstar ont utilisé à peu près le même principe que Diablo. Faut être connecté en ligne si vous voulez partir le jeu, mais contrairement à Blizzard, si vous voulez jouer en solo, il y a un mode offline. C'est juste que vos succès seront pas transférés dans votre social club. Donc, Blizzard. Message. T'as fait des mises à jour, là. Je suis sûr que ça peut se régler avec une mise à jour, votre erreur 37. Et merci, Andrew, pour ce petit rajout. Et maintenant, on va parler exposition. On va parler, en fait, de deux expositions. Star Wars Identité, que vous allez pouvoir aller voir au Centre des sciences de Montréal, et Samouraï, que vous pouvez voir ici à Québec, au Musée de la civilisation. Je suis allé voir les deux. Et écoutez, j'ai été... quand même très content d'aller voir ces expositions-là. Vous allez voir, je vais vous en parler rapidement. Je vais commencer par Star Wars Identité. C'est celle que j'ai vue il y a deux semaines à Montréal. Est-ce que tu étais Yoda? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oh. En fait, pas intéressé. C'est une exposition interactive où on va, en fait, c'est au Centre des sciences. Donc, on va aborder des aspects scientifiques et on parle de l'identité, comme dans le titre de l'exposition, où on va voir comment l'identité d'une personne, entre autres, ici un personnage de Star Wars, mais aussi dans la vraie vie, va se construire, donc, avec son bagage génétique, ses parents, les gens qu'il va côtoyer, son environnement, l'environnement dans lequel il va évoluer, son travail, ses loisirs. Vous voyez le genre un peu. Et on va construire notre personnage à partir de 10 stations qu'on va retrouver dans l'exposition. On va avoir un bracelet. Tout le monde a un audio guide dans l'exposition pour arriver, pour comprendre un peu chaque borne. On va nous expliquer chaque facette de la construction de l'identité. Et avec un bracelet, on va aller aux stations faire des choix pour construire notre personnage. On arrive pas avec un personnage connu de la série Star Wars à la fin de l'exposition, mais bien un personnage... qui est vraiment ce qu'on a choisi. Ça nous donne un résultat à la fin. Ce côté-là, un peu interactif, intéressant, un peu moins qu'on est habitué de jouer à des jeux de rôle, je vous dirais, parce que c'est vraiment l'impression que j'avais, c'est de faire un personnage pour aller jouer justement à une partie de Star Wars sur table. Sauf que le jeu n'est jamais venu. Non, ben c'est ça. Ben c'est quand même assez ludique comme exposition justement parce que c'est interactif, puis c'est le fun parce qu'on voit, c'est pas juste ça en fait l'exposition. On a tout ce côté scientifique où on va apprendre justement l'évolution d'un personnage, mais aussi la plupart des fans de Star Wars y vont pour ça, pour voir des reliques, pour voir des objets de la série Star Wars, entre autres des costumes qui ont été portés pendant les tournages, des maquettes de vaisseaux spatiaux, des différents, que ce soit de l'Empire, des rebelles, des sabres laser, bien évidemment, et plein d'autres choses comme ça, des dessins, des esquisses des premiers temps, des premières esquisses de personnages, la vision d'artiste au début de l'aventure Star Wars avec George Lucas. Une exposition très intéressante, mais quand même, c'est ça que je vous dis, c'est le côté interactif. Quand on joue à des jeux de rôle, on est comme moins impressionné quand on voit ça. La première station, c'est qu'on va choisir notre race. Parmi les nombreuses races là, dans Star Wars, moi j'avais choisi un Keldor, donc créature moins connue un peu dans la série. Moi j'ai choisi ça parce que j'en jouais un quand j'ai joué à Star Wars sur table, donc j'avais bien aimé ça. Mais pour la fin, finalement, moi j'étais comme un sénateur Keldor qui vivait sur Coruscant, et en gros c'est ça. C'est que notre personnage finalement à la fin, c'est un peu un récapitulatif des choix qu'on a fait. Il y a pas de, je veux dire, ça crée pas un personnage nuancé. C'est vraiment juste les choix qu'on a fait. Finalement, ça nous donne un total de ce qu'on a fait. Mais c'est intéressant. Vous le voyez à la fin, il y a des écrans partout. On va mettre notre bracelet à la fin pour qu'il va nous afficher notre nom avec notre personnage qui va avoir été construit autour de nos choix. Puis vous pouvez même le recevoir par courriel, ce personnage-là. Vous rentrez votre adresse courriel à la fin dans des bornes, puis vous allez recevoir ça. En tant que tel, pour les items, pour les objets dans l'exposition, écoutez, pour les fans de la série, vous allez y trouver votre compte, des belles maquettes, des beaux costumes, les costumes d'androïdes, justement, de C-3PO, de R2-D2, d'androïdes, justement, qu'on retrouve chez Jabba dans Le Retour du Jedi. On en voit beaucoup. Stormtrooper, Boba Fett aussi, on le voit. La plupart des Jedi, on voit leurs costumes, évidemment. Et en tout cas, la pièce de résistance, c'est la dernière chose qu'on voit en sortant de l'exposition. C'est le costume de Darth Vader, qui était porté par David Prowse pendant le tournage des films. David Prowse, qui est celui qui a joué physiquement Darth Vader dans les dans la première trilogie, et dont la voix était celle d'un autre homme. Et assez impressionnant. Moi, j'étais au cinéma, on le voit quand même qui est plus grand que la plupart des gens, mais quand on voit le costume en personne, c'est très impressionnant. Juste pour ça vaut la peine, je vous dirais là. Mais non, c'est, vous passez par Montréal, vous êtes fan de Star Wars, moi je vous dis que ça vaut la peine d'aller voir ça, de voir un peu justement en grandeur nature justement les personnages de Star Wars que vous pourriez voir. C'est vraiment impressionnant, c'est très intéressant aussi du côté justement scientifique. Comme je vous dis, c'est, quand on a joué à des jeux de rôle, on a l'impression de faire un personnage, on connaît un peu le principe, mais pour les gens qui sont moins habitués aux jeux de rôle, c'est un aspect très intéressant de voir comment un être se construit autour, finalement, grâce à ce qui l'entoure, finalement. Donc, c'est un 23$ pour les adultes pour rentrer, mais ça vous donne également accès aux expositions permanentes du Centre des sciences. Petit conseil, moi, je suis arrivé en après-midi. Le Centre des sciences, en semaine, ferme à 4h le soir et à 5h la fin de semaine. Sauf que je pense qu'ils ont ouvert, justement, des nouvelles plages horaires, là, si j'ai bien vu sur le site tantôt, les jeudis, vendredis, samedi, jusqu'à 21h, en tout cas pour Star Wars. Mais les autres salles ferment quand même plus tôt. Si vous voulez, moi, j'ai manqué ça. J'aurais aimé ça arriver plus tôt pour voir les autres salles. Donc, si vous voulez voir aussi le reste du Centre des sciences de Montréal, je conseille d'arriver là tôt le matin pour pouvoir voir tout ça, puis profiter pour avoir un plein rendement de votre 23$. En tout cas, pour les adultes, c'est un peu moins cher, évidemment, pour les enfants. Donc, c'était un peu ma critique de Star Wars Identité, toujours jusqu'au 16 septembre 2012 au Centre des sciences de Montréal. Et je vous rappelle que c'est une exclusivité pour le moment, c'est une première mondiale à Montréal pour cette exposition-là. Autre exposition que j'ai vue, Samouraï, collection Anne et Gabriel Barbie-Muller. Donc, c'est une collection privée d'armures de samouraï. Il y a d'autres items aussi qu'on va y retrouver. Très, très intéressant. Vous savez, moi et Andrew, on a commencé à Puissance Maximale comme chroniqueur nippon. Donc, du monde nippon, du manga, de la culture japonaise. Donc, moi, je suis un grand fan de l'histoire japonaise et de cette culture-là. Donc, il fallait que je m'y rende, bien évidemment. Et se rendre compte qu'il y a des armures, des fois, troublantes. Ouais, quand même. C'est quand même assez décoratif. Il y a des armures assez décoratives qui n'allaient pas toujours au combat. Mais c'est justement, c'est ce qu'on va aller découvrir pour les gens qui connaissent un peu le fait militaire japonais de ces époques-là. C'est vraiment intéressant. On commence l'exposition justement avec... on va nous montrer les différentes ères de l'histoire japonaise. Donc, on va nous parler jusqu'à l'ère Meiji, donc la révolution qui a finalement renversé le gouvernement militaire des shoguns Tokugawa au milieu du 19e siècle. Donc, on voit toutes ces armures-là depuis quand même, je pense, c'est le 12e siècle jusqu'à la Restauration. Il y a vraiment des pièces très, très, très impressionnantes. Moi, étant aussi un gars qui aime les GN, donc les grandeurs nature, j'étais avec des amis justement de grandeur nature, puis on a vraiment regardé les armures sur toute la couture pour voir comment ça fonctionnait. C'est vraiment, ça devait être un travail de moine, mais même les forgerons de l'Europe à l'époque médiévale, c'était aussi assez complexe comme travail. Mais chapeau bas aux Japonais pour faire de telles armures qui étaient, en plus d'être plus légères, pratiques, mobiles, très résistantes. On avait plein de matériaux qui étaient utilisés. Surtout le fait important et très intéressant, c'est que les pièces des armures samouraï étaient facilement interchangeables. Au lieu de remplacer un plastron complet, on pouvait remplacer une lamelle. Une belle collection de casques également qu'on pouvait aller voir. Des casques aussi qui allaient avec l'air du temps justement les étrangers sont arrivés au Japon. On a eu la possibilité de voir des casques qui étaient inspirés entre autres des casques portugais qui ressemblaient... Il y a vraiment de tous les genres. Un genre de casque, un chapeau de Zorro en métal. Oui, pour vrai. C'est une pièce. T'es. Oui, c'est vraiment ça. Il y en avait un comme ça. Il y avait vraiment un style un peu à l'espagnol avec les pointes derrière et devant le casque. Puis plus loin aussi, il y avait vraiment des trucs vraiment bizarres, des casques avec des virevents dessus, un casque avec une... En fait, c'est comme un masque, parce que les Japonais portaient des masques parfois devant leur visage, des protège-visage. Et il y en avait un avec une tête de poisson, comme une murène, avec des comme du crin de cheval de chaque côté. C'est assez bizarre. Ben moi, je me dis, on voit ça au combat et... On fait le saut. On fait le saut. C'est sûr et certain de tomber sur un poisson en plein... En même temps, c'est des fois surprenant de voir les couleurs aussi des armures. Tu sais, à l'ère actuelle, on est habitué de voir des habits kaki, tout ça, là, pour se camoufler dans les environnements, des couleurs sabres dans le désert, tout ça. Et quand tu vois une armure de samouraï qui, à l'époque, on s'entend, il y avait du bois, donc c'était généralement vert, et tu vois une armure rouge... Ah, mais c'était de faire peur à l'ennemi, c'était l'intimidation. Et de là aussi, les grands casques, des fois les énormes plumes qu'on pouvait retrouver derrière les armures. Et on identifiait très bien les armées. Il y avait des porte-drapeaux, il y avait des drapeaux, des fanions dans le dos de leur armure pour bien identifier toute l'armée à laquelle ils faisaient partie. Il y a des pièces très intéressantes. Il y a des cavaliers, trois cavaliers dans l'exposition, avec des armures de chevaux. Puis on se place devant, c'est grandeur nature. J'avoue qu'être devant ça, j'aurais eu la chienne de me faire charger par trois gars comme ça. Il manque juste les armes. Non, il y en a quand même quelques-unes. Non, mais je parle sur les gars. Oui, effectivement. C'est ce qui a manqué. Andrew, t'étais là toi aussi. Il manquait quelques armes. Il y en avait quelques-unes armes dans l'exposition, mais sur les gars, j'avoue, tant qu'à ben, montrer une scène de charge, j'aurais mis les armes aux gars. Ils sont en position de charge pour attaquer, mais ils n'ont pas de sabre, ils n'ont pas d'arc. Ils n'ont pas de lance, ils n'ont rien. C'était un peu décevant, mais quand même, l'ensemble était vraiment impressionnant. Le but, c'était pas de montrer avec les armes, c'était pour montrer l'effet des armures pour cheval, parce que c'était majoritairement ça, on s'entend. Là. Oui, il y avait quelques pièces qu'on voyait dans les vitrines. Je parle dans ce coin-là. Ouais. Là. À mon avis, c'est sûr que les collectionneurs voulaient montrer l'effet imposant qu'une armure sur un cheval peut donner. Mais j'avoue qu'un petit sabre dans les mains des mannequins ou une lance, là, ça n'aurait pas fait de tort. Ça aurait été plus intéressant un peu comme tableau. Ben, ça aurait été plus réaliste. Parce que ça m'étonnerait de voir un samouraï à l'assaut d'une armée, mais avec rien. Ben, vous allez voir, il y a quelques armes qu'on va voir, un ou deux sabres, il y a des arcs aussi. Vous allez voir la grandeur des Yumi, donc des arcs japonais qui sont quand même assez hauts. Il y a des maquettes, des beaux paravents aussi qui représentent des batailles et quelques vidéos aussi qui expliquent, qui nous montrent le samouraï dans la culture populaire, justement le maniement des armes et la forge du sabre. D'ailleurs, Mike, il y a même une vidéo qui montre un jeu que t'as et que t'as déjà parlé. Quand on parlait de la, justement du samouraï dans la culture pop, ben on nous montre The Way of the Samurai 3 que j'avais déjà parlé ici. Ben il y a un extrait du jeu dans l'exposition parce que c'est quand même un jeu très intéressant justement pour voir l'univers du samouraï à cette époque-là. Ben on le représente dans cette exposition-là. Donc pour les amateurs, c'est sûr les amateurs de films de samouraï, de culture japonaise, de faits guerriers en général et d'histoire, c'est une belle exposition. Moi je trouvais un peu était un petit peu petite, il manquait un petit peu, en tout cas il me semble qu'il manquait un petit quelque chose, peut-être plus d'armes, je sais pas, c'est sûr que c'est basé sur une collection privée, on parle d'armure, mais pour ma part, une belle exposition, ça vaut la peine, je pense que c'est environ 15$ pour les adultes pour aller voir ça. C'était environ ça, mais aussi en même temps, nous autres on est allé le vérifier au début, par contre j'ai eu des informations de gens très proches de d'autres gens qui travaillent au musée, puis le musée prévoit beaucoup d'activités cet été en liaison avec cette exposition-là. Ben, il y a déjà une autre exposition qui a commencé cette semaine, Rêve de manga, donc du 12 juin au 3 septembre, qui est basée à une exposition de photos qui est sur justement le style manga, c'est deux photographes londoniens qui ont fait ça, donc une belle invitation, allez aussi voir ça, je vais m'y rendre, et je vous rappelle que Samouraï va être présenté jusqu'au 27 janvier 2013. Donc, on poursuit avec une autre chanson de M. Brent Alfoss qui s'appelle Mike Tyson's Punch Out with Lyrics, et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Hey, what up, Floss? Hey, Matthew, what's going on? Listen, I had an idea. What if Super Mario Brothers 3 had lyrics? That is an awful, awful idea. Super Mario. Mario is back, but now with many more clothes to wear, the frog suit, Hammer Brothers suit, and some kind of magic bear. This game warped my tender brain, and now I know why. The sun comes down from the sky. If you touch turtles, you die. And also, raccoons can fly when he is high. My. The Koopa kids were brand new. You could live in a shoe, and then everything grew. Yeah, that shit got me delirious. I first saw the game in a film I watched. I blame my expectations of the Power Glove. It's so bad. He was serious. Grab your spare controller, let's play Mario 3. As long as I am player 1, which means that you're player 2. Luigi. Let's stay up all night and beat the whole game again. I have to wake up at 8 to work a job that I hate. It's harder staying up late when you're grown men. Let's drink some beer and then pass out. Word. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, on vous a fait un petit spécial, là. On vous a mis tout de suite une autre chanson. Après Mike Tyson's Punch Out with Lyrics, on vous a mis Super Mario 3 with Lyrics. Toujours avec Monsieur Brent Alfloss qui nous a offert cet album-là, A Bits of Me. Bits of Me, en fait, que vous pouvez retrouver sur Amazon, MP3, pas encore sur iTunes. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et vous pouvez toujours, je pense, vous commander un album physique. Oui, puis aussi, si vous voulez qu'il y ait plus de sous qui reviennent à Brent Alfloss, parce que vous l'aimez beaucoup, beaucoup, achetez l'album sur Bandcamp. Oui. Parce qu'il n'y a pas de trop de commissions, de prix, puis Brent Alfloss, il fait plus d'argent. Fait que... Et Brent Alfloss, si on veut qu'il continue à faire des spectacles et à faire des CD, ben, on va l'encourager. Eh bien, c'est ce qu'on fait, nous, à Puissance Maximale, en faisant jouer sa musique. Et on va y aller, M. Andrew Castegan, avec les restants du E3, des annonces qu'on n'a pas eu le temps de vous parler la semaine dernière. Oui, je les ai mis dans un Tupperware, dans le frigo, pour être sûr qu'ils restent bien fraîches. Alors, vas-y, Andrew, avec ta première nouvelle. Oui, la première, en fait, on va parler rapidement de EA. Dans le fond, qui ont fait une conférence quand même. Tu sais, normalement, quand on regarde les conférences de presse, on est habitué de voir les gros stages là, de Nintendo, Microsoft, tout ça. EA, c'était une salle noire avec le logo d'EA en arrière. Tu sais, ils sont restés sains et sobres. Mais ça a été, ma foi, quand même intéressant. Je m'attendais pas à avoir tout ce contenu-là. Mais habituellement, on s'intéresse moins, on dirait, aux conférences de presse de ceux qui font les jeux, moins que ceux qui font les consoles. Ben, c'est à cause que EA et Ubisoft, généralement, le monde ne les écoute pas parce que les grands fabricants parlent déjà. On connaît déjà les annonces. Hein. C'est ça. Sauf que là, EA ont parlé un peu plus de la plateforme Origin. Tu sais, le genre de Steam Market, là, dans le fond, là, qui font à leur sauce à eux. En fait, pendant beaucoup de monde, ben en fait, on se le cachera pas. J'en ai déjà parlé à l'émission. C'est un gros DRM camouflé pour vérifier si vous avez acheté vos jeux, tout ça. Mais effectivement, faut pas y enlever que EA veulent attaquer les magasins digitales, enlever un peu de part de marché à Steam qui est pas mal le monopole là, dans le fond dans la place. Et EA ont annoncé que Origin allait ouvrir ses portes aux indie games. Donc dans le fond, les petits développeurs qui veulent avoir une plateforme de plus pour éditer leurs jeux vont avoir Origin qui va être possible aussi. Et ils ont pas donné les détails au niveau du pourcentage. Je sais qu'à un moment donné, Valve et Steam avaient parlé justement des pourcentages qui revenaient aux développeurs indépendants. Et EA n'ont pas élaboré sur la chose. Par contre, ils disaient qu'ils allaient s'arranger pour que ce soit le plus compétitif possible pour attirer le plus de monde. Parce que t'sais, c'est bien beau Origin, mais t'sais, s'ils veulent compétitionner Steam, faut qu'ils offrent quelque chose d'intéressant. Faut qu'ils offrent autre chose que juste des jeux EA. T'sais, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais faut qu'ils offrent quand même autre chose. Et aussi en même temps, EA ont annoncé que Origin allait aussi être l'hôte de remasterisation de vieux jeux faits par EA. Parce que on sait, les jeux évoluent, mais on a toujours ce petit aspect rétro-là qu'on vieillit, où on se dit « Ah, tel jeu à l'époque était tellement bon, mais il marche pas sur Windows 7 ou Windows 8 Vista. » Même les jeunes, j'en avais fait un Vox Pop, la Janimé, au mois de janvier dernier. Même les jeunes de 16-18, plus jeunes que nous, là, c'est aussi des amateurs de rétro gaming, mais un peu moins vieux. Là. Déjà, eux autres, le 64, pour eux, c'est du rétro gaming à la base. Là. Donc, on n'est pas les seuls à aimer ça, puis les compagnies commencent à le comprendre. C'est ça. Fait que EA ont, dans le fond, annoncé que l'Origin allait être le market pour permettre au rétro gaming, les vieux jeux de Electronic Arts et puis d'autres compagnies, dans le fond, là, qui ont sur leur tutelle, dans le fond, de s'épanouir et permettre de prolonger la nostalgie. Est-ce qu'ils ont annoncé des titres? Ben, premièrement, il va y avoir des remasterisations des vieux Command & Conquer et Alert Red Alert. Oh. Il y avait déjà eu des versions CD, DVD, sauf que, veux pas, ils ont arrêté le support. Puis qu'est-ce qui arrivait? C'est que là, le monde qui a Windows 7, ben, il marche pas. Fait que ils ont décidé, dans le fond, là, de remédier à la chose et on va pouvoir les avoir en version digitale avec des mises à jour continues. C'est sûr que c'est plate pour le monde qui les ont déjà en copie physique parce que eux n'auront pas de mise à jour parce que la copie physique n'est pas liée avec Origin. Fait que c'est un peu plate pour ça, mais au moins, la pensée est là. Sinon, à part ça, il y a eu une portion de la conférence de presse de EA qui était dédiée à Maxis, la compagnie derrière les Sims et le prochain SimCity. Et on en a parlé quelques fois à l'émission, et je pense que toi, tu t'attends à ça. Ben moi, SimCity, je l'attends énormément et je suis content qu'on ait eu un petit peu plus d'informations. Premièrement, Maxis a parlé de deux choses pendant leur leur portion de conférence de presse. La première des choses, ils ont annoncé qu'il allait avoir un SimCity social sur Facebook. Maxi, sont arrivés, ils ont dit, là, il est temps que Maxi reprenne le trône des meilleurs jeux de gestion de ville. Et ils ont fait une belle petite bande-annonce que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui est vraiment dans les dents de tout ce qui est Cityville, Farmville, les compagnies. Ils les attaquent littéralement. Et je vous dirais, je suis pas vraiment jeu Facebook, mais je crois qu'on a quelque chose au niveau de SimCity Social, parce que dans le fond, on reconnaît vraiment la mécanique qu'on a vu dans les vieux SimCity. Fait que on a vraiment de l'air de voir un vieux SimCity avec un principe d'énergie, oui, mais tu sais qu'on est capable de jouer, puis que c'est pas trop dépendant de harceler ses amis comme Farmville et compagnie. Est-ce que ça va rester de même? Je le sais pas, le trailer a été trop court pour qu'on le voie, mais pour que je sois intéressé à un jeu Facebook, je vous dirais que ça a du potentiel à surveiller. Au niveau de la sortie, on parle d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas eu de date exacte. Je crois qu'il avait mis automne 2012 au niveau de la sortie. Fait qu'à surveiller au niveau de SimCity Social. Sinon, au niveau de SimCity, le jeu qu'ils veulent sortir au niveau du PC, je me rappelle pas s'il y a le 5 après. Mais je me rappelle pas si on mis un ou si on juste appelé ça SimCity. Ben je pense qu'ils ont juste appelé ça SimCity. Mais bref, le prochain SimCity, on va l'appeler comme ça pour les biens de la cause. Il y a eu plus de détails au niveau de comment jouer. Une des craintes que j'avais soulevées à un moment donné lors de l'annonce, c'est que le jeu soit uniquement multijoueur. En fait, Maxi ont été très rassurants. Ils ont dit pour les old school gamers qui veulent vraiment un SimCity indépendant en solo, que uniquement nos villes ont un impact sur les autres villes comme avant, ça va être possible de jouer uniquement en solo. Enfin, une compagnie qui a compris ça. Au niveau du multijoueur, il y a deux possibilités. Soit vous partez une map, une world map, dans le fond une map monde, avec uniquement vos amis. Donc dans le fond, tous vos amis origines qui ont le jeu SimCity, vous pouvez partir un monde comme ça et tout le monde va pouvoir se construire dedans, mais uniquement vos amis. La façon que ça va fonctionner, c'est que ils ont décidé de mélanger les principes de SimCity et de SimCity Society, qui était le dernier qui avait sorti. SimCity Society avait fait un peu moins fureur parce qu'il avait vraiment mis de l'avant l'aspect social. Les classes sociales, les bourgeois, les hippies, puis tout ça, puis il fallait dealer avec ça plus que vraiment gérer un système d'aqueduc économique et d'impôts. Fait que les old school de SimCity n'avaient pas vraiment accroché. Bien, ils ont fait un mini-mélo de tout ça pour que, dans le fond, les villes aient chacun leur spécialité. Donc, on peut faire une ville à 100% industrielle avec plein de pollution, et la seule chose que ça va faire, c'est qu'on va attirer une seule strate de classe sociale. Donc ça, évidemment, ça va avoir un impact sur d'autres éléments, comme la santé. Bien, si on a une ville majoritairement industrielle qui n'a pas beaucoup d'éducation, tout ça, bien, on n'aura pas des médecins pour venir gérer nos hôpitaux. Fait que ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir faire alliance avec d'autres villes, finalement. Exactement. Non? C'est que, dans le fond, les autres joueurs vont pouvoir prendre d'autres vocations. Donc, nos villageois, nos citoyens vont pouvoir aller dans d'autres villes pour profiter des services que les autres villes offrent. Et fait que finalement, c'est qu'on va se construire un pays. Exactement, entre amis. Et dans le fond, une métropole, une gigaville, dans le fond. OK, nous, on va s'occuper d'arrondissement qui va faire cette gigapole qui s'appellera Mike City, mettons. Exactement. Et dans le fond, pour alimenter ça, Maxi, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'il va, plus que ça va être multijoueur sur un serveur de Maxi, il va y avoir des random events, des challenges, que dans le fond, tout le monde va devoir se mettre ensemble, ou encore qui vont devoir tous se mettre ensemble ou encore compétitionner pour avoir des bonus. Mais est-ce que je sais pas si avec Maxis, est-ce qu'ils vont nous amener avec je sais pas s'il y a déjà, moi je connais un peu moins les Sims, entre autres, c'est un peu plus, mais est-ce qu'ils pensent avoir des nouveaux Sims qui s'en viennent, qui vont s'intégrer à cet nouvel univers SimCity? Est-ce qu'on va finalement gérer une maison dans notre arrondissement qui est dans cette mégalopole-là? Non, ils n'ont pas fait mention de ça du tout. Ils sont vraiment concentrés sur l'aspect gestion de la ville. OK. Mais dans le fond, pour compléter le dernier mode multijoueur, parce que dans le fond, vous avez compris un peu le principe des challenges, tout ça, un petit peu de compétition. Puis, tu sais, dans le cas, exemple, qu'il y a une seule ville qui gère l'électricité, puis qu'il y a une manifestation ou quoi que ce soit qui tombe en panne, mais tout le monde va être affecté. Bref, chaque ville va avoir un impact sur l'autre. Et l'autre mode multijoueur, c'est le Worldwide. Donc, dans le fond, c'est peu importe qui, vous allez tomber sur un giga serveur que tout le monde joue dessus. Et donc là, ça va être beaucoup plus compétitif que Alliance entre amis. Notez, parce que quand vous êtes entre amis, ben, vous pouvez dealer, vous prêter de l'argent, tout ça. Tandis que quand vous jouez dans le monde avec d'autres joueurs, c'est plus « me, myself and I ». Dans le fond, c'est un peu ça que Maxis... Un peu comme dans la vraie vie. On veut, le maire Labeaume à Québec, il veut que sa ville soit la meilleure. Il nous parle rarement des autres villes autour. Exactement. Mais dans le fond, dites-vous pas, par exemple, que vous allez pouvoir lancer des attaques nucléaires contre d'autres villes. Vous pouvez pas arriver et dire « Ah, moi, je fais les États-Unis puis je décide de prendre par la force les autres villes. » C'est pas un jeu de stratégie. C'est pas un jeu comme ça. Mais dans le cas, exemple, que vous avez un service essentiel puis tout le monde autour de vous ne l'ont pas, ben, vous allez pouvoir les facturer. Et c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, le principe du multijoueur. Ah, quand même, je trouve ça très intéressant. Et Maxi ont prévu énormément de mises à jour. Et à date, il disait qu'au niveau DLC, majoritairement, serait gratuit. Ce serait vraiment les gros ajouts qui seraient payants. Les genres d'expansion. Exactement. Mettez, mettons un exemple, qu'ils sortent un nouveau type de train, ben il y a des bonnes chances qu'il soit gratuit. Parce qu'ils ont vraiment énormément de projets, puis eux, ils ont été clairs là-dessus. Ils disent ce SimCity-là va rester est là pour rester longtemps. Donc, c'est quand même très intéressant. Je vous dirais qu'il est prévu début 2013, si je me trompe pas. Et, fait que je vous dirais un jeu vraiment à surveiller. Ça va être dans les achats de bien des gens. Je pense qu'on va se parler, toi et moi, Andrew, pendant le temps des fêtes cette année. Ouais, c'est certain. Est-ce que tu avais d'autres? Je pense qu'il y avait aussi Ubisoft qui a fait quelques petites annonces. Oui, Ubisoft a été un petit peu plus tranquille cette année. Je vous dirais pas qu'ils ont pas parlé de choses, mais il y a eu deux éléments majoritaires qu'on a déjà parlé, mais que tu sais, on va souligner. La conférence de Ubisoft a été beaucoup axée sur deux jeux. Assassin's Creed 3, autant la tangente console que la tangente portative avec l'héros féminin. Si vous voulez vraiment voir du gameplay footage pour avoir le plus d'informations possible au niveau d'Assassin's Creed parce que vous êtes un fan et vous voulez avoir le plus d'infos, c'est pas la conférence de Sony que vous devez écouter, vous devez vraiment écouter Ubisoft parce qu'ils ont vraiment donné énormément d'informations puis c'est eux qui ont mis le plus de vidéos. Déjà qu'on a vu la fameuse scène de bataille navale dans Assassin's Creed 3 avec Connor qui est capitaine de bateau. Je t'ai montré ça hier, Andrew. Oui, c'est impressionnant. J'ai hâte de voir ça. Mais tu sais, si vous voulez vraiment voir des détails, des choses comme ça, c'est vraiment la conférence que vous devez écouter, puis elle est pas très très longue. Mais l'élément qui m'a le plus impressionné, c'est la présentation de Zombie U. Zombie U avait été un peu soulevé au niveau de la conférence de Nintendo, mais on n'avait pas eu tant de critiques que ça. On n'avait pas vu vraiment d'éléments de gameplay. On n'a pas eu d'avis de journalistes. Dans la conférence de Ubisoft, non seulement ils ont fait un petit vox pop de journalistes qui ont eu l'occasion d'essayer le démo de Zombie U, mais on a eu le droit à une démonstration du jeu. Et comme on avait soulevé un peu le point la semaine passée, ça a l'air vraiment d'être un jeu très prometteur. Les médias, la presse sont vraiment enthousiastes à l'idée du jeu et la démonstration est vraiment convaincante. On parle d'un jeu qui n'arrête jamais quand vous êtes en jeu. Dans le fond, si vous consultez votre inventaire ou vous fouillez dans votre sac ou vous faites du hacking ou vous ouvrez une porte ou X affaire, le jeu n'arrêtera pas. Il est vraiment continu. En temps réel. Exactement. Donc, vous devez toujours regarder votre tablette et regarder l'écran parce que à l'écran, l'élément du jeu va continuer. Le concept un peu du jeu a été un petit peu plus dévoilé. On parle dans le fond d'une maladie, d'un virus qui s'est répandu dans la ville de Londres. Vous êtes un survivant. Vous devez vous en sortir. Vous devez quitter cette ville-là et dans le fond c'est le principe de survie et si vous mourrez, votre personnage devient un zombie, vous prenez la peau d'un autre survivant ailleurs dans la ville et vous pouvez croiser votre ancien personnage. Oh, ça c'est le fun. Et il garde votre équipement. Fait que dans le fond, c'est qu'on peut réussir à le taper puis il y a peut-être des récupérer tout l'équipement. Alors ça franchement, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Petite bémol par exemple, il n'y a pas vraiment de game over. parce que quand vous mourrez, vous retombez tout le temps sur un autre survivant. Et il a pas eu vraiment parlé de notion de vie ou quoi que ce soit. Fait que ça, je trouve ça. Ben ouais, c'est sûr qu'on est comme moins stressé de mourir. Là. Ben mais on n'est pas sûr à 100% de retomber sur notre ancien personnage non plus. Non plus. Mais c'est ça. Ça va dépendre comment qu'ils vont mettre ça en scène. T'sais, s'il y a vraiment un risque qu'on pop à l'autre bout du monde, puis qu'on ne retrouve jamais notre personnage, là, ça va rajouter un élément de challenge. Mais ça n'a pas été développé. Okay. Pour les biens de la cause du démo, ils ont fait par exprès, je pense, pour qu'on tombe plus facilement sur notre personnage, pour qu'on puisse expérimenter. Mais Zombie U, je vous dirais que c'est un des jeux qui fera en sorte probablement que je m'achèterai une Wii U, donc à regarder avec attention. Excellent. Merci Andrew pour ces restants qui étaient quand même succulents. Merci beaucoup. Et on va continuer en musique avec la chanson Baby Mario and Papa Yoshi que vous allez, bien évidemment, avec Brendan Floss. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. It's me. I just found this baby wrapped up outside my door. Hey. A tasty little snack for any dinosaur. But I just finished breakfast. I'm full up to my head. So I'll give him to Yellow instead. You know, he's sort of cute, the sweet little niblet. He'll make a tasty stew. Don't want to cook and serve up a kid, but hey, that's what Yoshis do. Yoshi? He's all alone without a friend, but he's taking it on the chin. Anyway, hey, hello, I brought you some din-din. You brought me a baby? How generous of you. But I can't eat a bite. I've caught the Yoshi flu. What, you just pop him in your freezer? I'm sure he'll keep for weeks. But wash him first, cause he freaking reeks. Sad to see the kid go now, we've gotten sort of tight. Also his diaper's sagging and whoa now, so is my appetite. Maybe I'll keep him here as a pet and not eat him after all. Come on my little baby, let's have us a ball. Et oui, merci Brental Floss. Et sur ces dernières notes, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je veux tout d'abord remercier Monsieur Andrew Castegan qui est allé avec moi cette semaine. Toujours un plaisir. Merci Andrew de tes critiques et de ta participation. Et je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller chercher nos anciennes émissions en balado. Vous pouvez aller sur Facebook aussi, chercher Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Venez aimer notre page et si vous avez des commentaires, suggestions, vous avez des trucs, vous voulez venir parler à la radio de vos événements geek, ludiques, venez nous voir, on va regarder ça ensemble pour vous inviter. Et bien entendu, le site de CKIA, ckiafm.org. Tout de suite après nous, c'est Benoît Quentin avec l'émission La bande originale pour votre musique de film préférée, une belle soirée en perspective. Et c'est avec le sourire au visage que je vous dis, passez une belle semaine de jeu. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo!